Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Centre de l'Universalité pour une autre rencontre avec Daniel Kemp. Le titre de la rencontre de ce soir, c'est « Évoluer malgré les peurs ». Fait qu'on va voir les différentes peurs et si l'homme peut évoluer. J'ai l'impression même des fois que ça peut être un booster pour évoluer la peur. Ça dépend dans quel sens qu'on l'entend. Je vais vous faire les petites annonces ici qui sont à faire. Bon, comme toute conférence, la première partie, si vous achetez le billet de la semaine prochaine, vous avez la première cassette gratuitement. La prochaine conférence de Daniel va avoir lieu vendredi prochain et aura pour titre « Les mécanismes du stress ». Faut rappeler aussi que mercredi prochain, il va y avoir un mini-séminaire sur l'organisation donnée par Daniel. Ce mini-séminaire est gratuit pour les personnes intéressées et il débute à 19h30. Les personnes qui veulent y participer doivent réserver à l'avance pour cela voir Mario ici au comptoir ou Pierre, je pense, à soir. Bon, la plupart des gens connaissent Daniel. Je pense que c'est ici depuis le début du centre. Et les conférences qu'il nous donne, je pense, pas à pas, chaque semaine, nous amène l'homme à rentrer dans l'action de son savoir. Et à soir, on va continuer dans le même sens. Sans plus tarder, on va accueillir Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. J'ai vieilli en une semaine, okay. Mais de là à me mettre à coucher. Tant qu'on recule pas trop, à soir, ça a l'air dangereux un peu par en arrière. Wow, on peut pas tomber bien plus bas que d'où on est parti. C'est vrai, c'est vrai. Le titre de la conférence ce soir à Daniel, les « Évoluer malgré la peur ». Bon, dans notre quotidien, moi, en tout cas, je peux partir avec peut-être des exemples de niveaux de peur que j'ai vu même cette semaine, puis que tout le monde a vu aussi. C'est juste que je vais essayer de les illustrer. Le premier type de peur qu'on voit, j'ai vu des gens qui disent qu'ils n'ont pas peur, premièrement. Qui ont peur de rien parce qu'ils ont soit des outils, des techniques pris dans certaines sectes qui leur permettent de faire face à peu près à toutes les difficultés. Alors, c'est vraiment... Le deuxième niveau de peur, personne qui avait peur de choses qui n'existent pas. Peur que son locataire installe des téléphones dans toute sa chambre qu'il ne puisse pas dormir parce qu'il souffrait d'insomnie. Peur qu'il y ait un chien qu'il n'avait pas, etc. Donc, peur des illusions, en fait, des choses qui ne sont pas encore arrivées. Un troisième niveau de peur, une personne qui est très spirituel et qui a continuellement peur de donner des chocs aux gens par retour karmique. Tu sais, c'est un autre niveau de peur, finalement. Et tout ça, finalement, c'est des freins, puis en même temps, ça peut être un stimulant à évoluer parce que quand on a le feu en arrière, on avance, finalement, on n'a pas le choix. Sinon, je pense que l'être humain, finalement, serait stagnant. Alors, de quel sens qu'on va orienter la conférence à soir, peut-être, on part-tu des peurs psychologiques ou on va tout de suite au... C'est toi qui m'interviewe. Oh, OK, bon. Je serais plutôt... j'ai l'impression que finalement, si on regarde depuis une couple de semaines les conférences, il y a beaucoup de conférences qui expliquent les mécanismes de la mort. Et je pense que la plus grande peur chez l'être humain, c'est la peur de la mort. Celle-là, elle a été expliquée, puis je pense qu'elle peut être encore réexpliquée. Comment l'homme peut-il évoluer malgré cette issue fatale, je veux dire? Bon, premièrement, la peur ne fait pas évoluer l'homme. C'est la souffrance qui fait évoluer l'homme et c'est la souffrance qui amène la peur. Mais la peur ne fait pas évoluer. Si on a peur, automatiquement, il y a une souffrance. Et c'est cette souffrance qui va pousser l'homme vers l'avant. Le feu que tu parlais tout à l'heure en arrière de toi, c'est la souffrance, ce n'est pas la peur. Maintenant, ne comprenant pas ce feu ou ne comprenant pas la souffrance, automatiquement, l'homme a peur. Cette peur, elle va tempérer l'évolution de la souffrance. C'est-à-dire que la peur, elle est un mécanisme qui empêche l'humain d'évoluer. Non seulement ça ne l'aide pas, non seulement ça ne le motive pas, mais ça le bloque, ça l'empêche d'avancer, tandis que la souffrance le pousse à avancer. Alors, on peut presque dire que l'humain n'étant pas le maître contrôleur de sa propre évolution, se voit obligé d'évoluer à partir de la souffrance. Et comme la souffrance est un mécanisme explosif assez violent vers l'évolution, il pousserait l'humain à évoluer trop rapidement, ce qui pourrait forcer l'humain à d'autres formes de souffrance comme l'immortalité, la sénilité, les destructions physiques, les destructions psychologiques, etc. Pour empêcher l'humain de trop avancer rapidement sous la poussée de la souffrance, alors l'humain a peur. La peur oblige automatiquement l'humain à s'accrocher, tandis que la souffrance l'oblige à décrocher. Alors, la peur, c'est un frein. La souffrance, c'est un moteur pour permettre l'évolution. Évoluer malgré la peur, cela voudrait dire évoluer malgré les mécanismes inhérents à notre psychologie qui nous oblige à s'accrocher. On a peur parce qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas connaître parce qu'on s'accroche. Alors, ça crée une espèce de cercle vicieux. Et lorsque, à la longue, à force d'avoir peur d'une seule et même chose, par exemple, on finit par en souffrir. En souffrant, on finit par s'écœurer de souffrir. Donc, on finit par transcender la peur et on peut avancer. Alors, il faut bien comprendre que la peur, ce n'est pas un moyen d'évolution. La peur, c'est un moyen d'involution. En fait, il y a juste la souffrance qui est réelle parce qu'elle est vitale. La peur, elle est simplement au niveau psychologique. Non, la souffrance peut être aussi d'ordre tout à fait psychologique. La souffrance peut être d'ordre matériel, d'ordre vital, comme elle peut être d'ordre psychologique. La peur ne peut pas être d'ordre physique, elle ne peut pas être d'ordre vital, elle ne peut être que d'ordre psychologique. La peur, c'est relié à la pensée. L'homme a peur de ce qu'il pense. L'humain a peur de sa pensée. C'est la pensée qui a peur de ce qu'elle envisage. C'est la pensée qui a peur d'elle-même. Mais dans la réalité, il n'y a pas un seul être humain ici présent sur la planète, non pas seulement dans la salle, qui a peur de la réalité. L'humain n'a pas peur de la réalité, l'humain a peur de la pensée. L'humain n'a jamais peur de la réalité. Dans le séminaire PMC que je donne, il m'arrive souvent de donner justement des exemples de ce mécanisme que je vais refaire ce soir pour qu'on puisse un peu mieux comprendre. L'exercice est extrêmement facile. Évidemment, tu vas servir de cobaye parce que si je demande à l'assistance, il n'y en a pas un qui va être assez stupide pour monter ici. Alors, je me fie sur toi. Voilà. Alors, tu places ta main sur la table. Est-ce que présentement, tu as peur? Non. Bon. Si je prends le crayon ici, que je l'enfonce dans ta main. Si je le fais extrêmement rapidement, tu n'auras pas le temps d'avoir peur. Tu vas avoir mal. N'est-ce pas? Mm-hmm. Une fois que je l'ai fait, je recommence, mais cette fois-ci, je mets le pouce sur le face. Et je recommence. Là, maintenant, tu as le temps d'avoir peur. Mais tu n'as pas mal. N'est-ce pas? OK, j'ai mémorisé l'expérience. Oui, mais tu n'as pas mal et tu as peur. Si je réenfonce, tu n'as plus peur. Tu as encore une fois mal. Si je retire, tu as mal parce que ta mémoire corporelle se souvient et tu as de nouveau peur. Un humain n'a pas peur qu'un chien le morde lorsque le chien le mord. Un humain a peur de se faire mordre par un chien lorsque le chien ne le mord pas. Lorsqu'on a un accident d'auto et qu'on est catapulté à l'extérieur parce qu'on n'a pas attaché sa ceinture, on n'a pas peur d'avoir un accident. On a un accident. Avant d'avoir l'accident, on peut avoir peur de l'accident, mais on n'a pas d'accident. Dans le cours PMC, par exemple, lorsque l'on va faire de l'équitation, il y a des personnes qui ont peur. Ils ont peur de monter sur le cheval, mais ils n'ont pas peur de monter une fois qu'ils sont dessus. Ils ont peur de monter alors qu'ils ne sont pas dessus. Une fois qu'ils sont dessus, ils ont peur de tomber. Mais ils n'ont pas peur de tomber une fois qu'ils sont à terre. Là, ils ont tombé. Là, ils n'ont plus peur, ils ont tombé. Ils ont peut-être mal, mais ils n'ont plus peur. C'est drôle, mais c'est un fait. On n'a jamais peur de la réalité. La personne qui est sur le cheval, elle a peur de tomber, mais elle ne tombe pas. Mais elle a peur de tomber. Si elle tombe, elle tombe. Mais elle n'a plus peur de tomber, elle tombe. Après tomber, elle peut ne pas aimer le cheval, ou ne pas aimer l'équitation, ou ne pas s'aimer elle, mais elle n'a plus peur de tomber, elle est à terre. Alors, si l'humain n'a pas peur de la réalité, premièrement, cela prouve que l'humain n'est pas en résonance avec la réalité, donc l'humain n'est pas en résonance avec la vie, l'humain est en résonance avec l'interprétation de la vie. Mais ce quelques secondes-là de décalage qui fait qu'il est toujours quelques secondes en arrière... Ça tue l'évolution de l'homme, ça tue la conscience. C'est là qu'il n'y a pas de résonance. Exactement. Il y a la peur, il y a les insécurités... Il y a la majorité des souffrances psychologiques, il y a l'incompréhension face à la vie, il y a tout un paquet de mécanismes qui amènent à l'inefficacité, à l'inaboutissement de l'évolution. Alors l'humain évolue toujours quelques degrés en arrière sur la réalité. Mais regardons ceci, ça pas long. Si l'humain n'a pas peur de la réalité, il a peur de quoi? Moi je dis qu'il a peur de sa pensée. Cela veut dire que si je dis « je vais t'arroser », si tu me fais confiance, tu n'as pas peur. Mais me connaissant, tu peux avoir peur. J'ai toujours pensé qu'à un moment donné, tu le ferais, oui. Mais tu n'es pas arrosé. Ça, on appelle ça essayer de convaincre. La diplomatie. Tu n'es pas mouillé et tu peux avoir peur. Mais lorsque j'aurai jeté ce verre, tu seras mouillé. Mais là, tu n'auras plus peur. Faut bien comprendre ce mécanisme. Même si on s'amuse un peu, même si on en rit un peu, sachez que vous riez de vous. C'est parfait, c'est impeccable si vous en êtes conscient. L'humain évolue en riant de lui. Et l'évolution est drôlement plus facile et plaisante lorsqu'on rit de soi, plutôt que de rire des autres. De quoi avons-nous peur? Je lève ce verre et Guy envisage une possibilité, celle que je lui lance l'eau dans le visage. Alors, automatiquement, il aura peur de cette pensée. Pas du fait. Il peut pas me dire, non, j'ai peur du fait que tu peux me lancer l'eau. Parce que le fait que je peux lui lancer l'eau n'est pas exactement le fait que je lui lance l'eau. C'est pas pareil. Vous pouvez avoir un accident, mais c'est pas pareil comme de dire vous avez un accident. Très différent. Vous pouvez être malade, n'est pas pareil comme de dire vous êtes malade. Alors, automatiquement, Guy a peur de l'idée. La personne qui est sur une autoroute glacée l'hiver et qui, à un moment donné, voit son automobile déraper, elle a peur. Si elle a peur, non seulement elle ne pourra pas être 100% efficace, elle peut être efficace pareil en au prorata de sa peur. La personne qui voit son auto déraper, si elle a peur, elle a peur d'avoir un accident, mais elle n'a pas d'accident. Elle n'a pas peur de déraper, elle dérape. Avant de déraper, lorsqu'elle a vu la glace, elle avait peur de déraper, mais elle ne dérapait pas. Lorsqu'elle a commencé à déraper, elle n'avait plus peur de déraper, elle avait peur d'avoir un accident ou de sortir de la route. Mais elle était sur la route. Lorsqu'elle emboutit un autre automobile, elle n'a plus peur d'avoir l'accident. Elle a peur d'être blessée. Lorsqu'elle voit qu'elle n'est pas blessée, ou lorsqu'elle voit qu'elle est blessée, elle n'a plus peur d'être blessée. Elle souffre, d'accord, mais elle n'a plus peur. Si elle sort du chemin, elle n'a plus peur de sortir du chemin, elle est sortie du chemin. Ceux qui ont peur de se faire arrêter par la police, lorsqu'ils roulent un peu vite, lorsque vous vous faites arrêter, ben vous n'avez plus peur. Non, ils vous ont arrêté, vous n'avez plus peur. C'est un beau maudit. Vous avez peur qu'ils vous en demandent trop, qu'ils vous mettent une grosse contravention, ou de perdre votre permis, mais vous n'avez plus peur de vous faire arrêter. Ceux qui ont perdu leur permis n'ont plus peur de le perdre. Alors, l'humain n'a jamais peur de la réalité, il a toujours peur de ce qu'il envisage comme possibilité. Alors, j'envisage le fait, ou plutôt Guy, c'est préférable, envisage le fait que je peux lui lancer de l'eau au visage, et il peut avoir peur, mais il n'a pas peur de la réalité. La réalité est que je tiens le verre. Alors, l'humain normal va dire, oui, mais tu peux quand même lui lancer. Oui, mais c'est pas une raison pour en avoir peur. Chaque fois que vous avez peur de quelque chose, lorsque la chose survient, vous n'en avez plus peur. Vous l'endurez, vous la souffrez, vous en bénéficiez, mais vous n'en avez plus peur. Alors, à quoi servait cette peur? Elle ne servait à rien. L'exemple que je donne aussi en séminaire, entre autres, lorsqu'un individu pénètre chez toi, toi, tu es acupuncteur. Alors, l'individu pénètre et il dit... Tu as guéri ma femme, je l'aimais bien malade, maintenant qu'elle est guérie, elle est toujours sortie. Alors, je suis venu pour te tuer. Alors, tu sors tes aiguilles, lui, il sort son revolver. Tu sers tes aiguilles, lui, il pointe le revolver. Non, il ne sert pas son revolver. Et il te dit, je vais te tuer. Est-ce que tu vois une intelligence, est-ce que tu vois l'intelligence d'avoir peur? Je ne te demande pas si tu aurais peur. Est-ce que je te demande si tu vois, toi, l'intelligence d'avoir peur? Non. L'homme ancien va dire, « Eh bien, il peut me tuer. C'est normal, j'ai peur. » Oui, c'est normal! Insignifiant. Inutile. Aberrant. Et normal. C'est pas parce que c'est normal que c'est intelligent. On pollue l'air et c'est normal. Quand vous prenez vos automobiles, ben vous polluez, c'est normal. C'est pas intelligent pour autant. Vous n'avez pas le choix. Parfait, mais c'est pas plus intelligent. C'est normal. C'est normal qu'un enfant sur peut-être 20 ou 30 naisse avec des problèmes. C'est normal. Est-ce que c'est intelligent pour autant? Non. Mais c'est normal. C'est normal qu'on ait dans une société des personnes qui se suicident. C'est normal. Est-ce que c'est intelligent? Non, mais c'est normal. Qu'on ait des alcooliques, c'est normal. Est-ce que c'est intelligent parce que c'est normal? Non. Qu'on ait des accidents d'automobile, qu'on ait des personnes qui meurent tous les années en moto, en bicycle ou en auto ou en moto, motoneige, c'est normal. Est-ce que c'est intelligent? Non. Bon. Alors, normal, oui. C'est normal d'avoir peur. C'est pas intelligent, mais c'est normal. Alors, l'individu dit « je vais te tuer » et toi, tu as peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur qu'il vous tue. Parce que s'il vous tue, vous n'aurez plus peur. Donc, vous avez encore une fois peur d'une chose qui est irréelle. Vous avez peur d'une probabilité. Et cette probabilité, elle naît dans votre tête, donc dans votre pensée. Vous envisagez le fait. Et la personne va dire, « Ben non, je l'envisage pas, c'est évident, il a dit qu'il était pour me tuer. » Oui. Et les deux policiers qui l'ont vu rentrer chez vous rentrent juste au même au moment où il vient pour tirer, et la porte lui frappe dans le dos, ben il revole, puis il vous tue pas. « Ah, mais ça, je ne peux pas prévoir, moi, que... » C'est ça. On peut toujours prévoir une chose, celle qui va nous faire peur, mais on n'est jamais capable de rester suffisamment lucide pour entrevoir le reste. Alors, on va dire, oui, mais lui, c'était une personne d'expérience, il s'en est sorti. À cause de l'expérience? Ou bien parce que l'expérience le rassurait, donc l'empêchait d'avoir suffisamment peur, le laissant suffisamment efficace. L'expérience, dans un phénomène comme ça, la personne, par exemple, elle est garde du corps. Elle est policier, elle est militaire, ou elle est carrément un tueur elle-même. C'est l'expérience comme une autre. C'est l'expérience qui se passe présentement ne lui est jamais arrivée. Elle n'a jamais nécessairement été dans la même maison, avec le même bonhomme, le même revolver, les mêmes conditions, dans le même état psychologique, le même état physique, etc. Sauf que si son expérience la rassure, elle aura moins peur. Ayant moins peur ou n'ayant plus peur, elle pourrait être efficace. Étant efficace, elle va voir tout l'environnement, tout ce qui est possible autour. Et là, elle va se permettre d'envisager d'autres possibilités. Et elle va essayer d'agir en fonction de la possibilité la plus efficace. Si ça marche pas, puis qu'elle a tué pareil, ben oui, mais elle va mourir sans peur. Puis celui qui a peur va mourir avec la peur. Ça va changer quoi? Il y en a un qui aura eu peur, qui aura eu 80% de chances de se faire tuer. L'autre, il n'aura pas eu peur, il aura eu 20% de chances de se faire tuer. Alors, autant pas avoir peur. Ça permet l'efficacité. L'humain a peur de sa pensée. Pensez à ça sans avoir peur. Pensez simplement à toutes les peurs qui vous hantent ou les peurs que vous avez. Quand je parle de peur, vous êtes chez vous, vous attendez quelqu'un, vous êtes inquiet. Voilà. Êtes-vous au courant de ce qui se passe? Non. Mais il peut se passer ceci, vous envisagez des choses et ça vous inquiète. Votre pensée vous inquiète. Parce que si vous dormez, vous n'avez pas peur. Si vous avez oublié que la personne doit venir, vous n'avez pas peur. Mais si vous y pensez que vous envisagez des probabilités d'événements, alors automatiquement vous avez peur. Avez-vous peur de la réalité? Non, vous n'avez pas peur parce qu'il n'est pas là. Vous avez peur parce que vous envisagez des raisons pourquoi la personne n'est pas là. Alors, il faut bien comprendre que l'humain, que l'homme ancien, la femme ancienne et l'enfant ancien ont peur de leur pensée. Si vous êtes capable de penser différemment, vous n'aurez plus peur. Il est beaucoup plus facile de cesser de penser que de penser différemment. Alors, on a donc inventé des techniques pour amener à l'humain des possibilités de cesser, de brimer sa peur, en ne pensant plus. Le problème, c'est que lorsque le gars se rend avec un revolver chez vous et que tu arrêtes de penser, tu ne vivras pas longtemps. Faut que tu continues à penser. Faut que tu restes un être vivant, mais sans connaître la peur. Le contrôle de la peur, c'est justement cette façon d'arriver à restructurer sa pensée pour penser d'une façon non épeurante. Ça, c'est le courage. C'est le contrôle de la peur. Et l'homme nouveau ne connaît pas le courage. Il ne connaît pas la peur. Celui qui connaît le courage doit connaître la peur parce que le courage, c'est justement le fait de contrôler la peur. Si tu ne connais pas la peur, présentement, tu es assis à côté de moi. Est-ce que tu es courageux d'être assis là? Non. Parce que tu n'as pas peur. Voilà. Et ça, c'est bien mieux. Ça serait, c'est mauditement mieux que si tu aurais peur et qu'en plus, il faudrait du contrôle. Là, tu serais courageux. Mais ce serait niaiseux. Le courage peut permettre à un être humain de foncer. Je ne parle pas des personnes de l'Antiquité. Il n'y a pas le choix d'être courageux étant donné qu'il n'y avait rien d'autre pour leur permettre de comprendre. Il fallait que tu sois courageux. Et alors moi, je t'insultais, il fallait qu'on se provoque en duel, il fallait que tu défendes ton honneur, tandis qu'aujourd'hui, on est passé là-dessus. Bon, on peut poursuivre, mais enfin, on ne fait plus beaucoup. L'honneur est parti avec d'autres choses. Alors, ce qui fait que la peur, aujourd'hui, elle ne sert plus. L'être humain souffre, toujours. Mais l'être humain a maintenant l'intelligence suffisamment énergisée, suffisamment vibratoire pour lui permettre de comprendre des choses. Aujourd'hui, comparez-vous pas avec hier. L'être humain aujourd'hui a la possibilité de comprendre des mécanismes, il a donc la possibilité de comprendre l'écologie qui règle son évolution, donc il a la possibilité de devenir conséquentiel. Il est capable d'envisager les conséquences de ses actes. Il est aussi capable de comprendre les conséquences immédiates des actes qu'il a eus ou qu'il a commis dans le passé. Et étant donné qu'il vit dans une société, il est capable de comprendre le résultat ou l'aboutissement des actes de sa société. On augmente les impôts, c'est un aboutissement conséquentiel de ce qu'on a fait il y a quelques années. On fait ceci, on fait cela, on peut comprendre. L'humain souffre. La souffrance le force à avancer parce que la souffrance l'amène à être écœuré d'être écœuré d'être écœuré. Et lorsque l'humain est écœuré d'être écœuré d'être écœuré, il a la faculté d'énergiser sa conscience pour comprendre ce qui se passe et automatiquement transcender ce qui lui cause cette souffrance, cet écœurement. Par contre, si l'humain a peur, je prends un exemple assez proche. Moi, j'ai fait de la radio de temps en temps. Maintenant, de temps en temps. Et il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à m'entendre à la radio. Certains sont intéressés parce qu'ils peuvent me maudire toute la nuit. Ça leur donne une raison de vivre. Ça les dynamise, ça les énergise. D'autres sont intéressés parce qu'ils me trouvent comique. Et d'autres intéressés parce que ou bien je réveille de quoi chez eux, ou bien j'instruis leur ego que ce qu'ils vivent est normal dans la phase évolutive de l'humain. Comment dit, je les rassure. Mais la majorité de ces personnes sont extrêmement intéressées à venir me voir en personne. Mais ils ne viennent pas. Lors des mini-séminaires, je demandais des fois aux personnes qui étaient dans le mini-séminaire « Pourquoi vous êtes venus ce soir? » Et souvent me répondaient « Parce que j'avais hâte de vous connaître. » Alors moi, je leur demande, ça fait combien de temps vous m'écoutez à la radio? Ça fait 6 mois. Et vous aviez hâte de me connaître. Avez-vous hâte d'évoluer? Avez-vous hâte de cesser de souffrir? Ah ben oui! Ouais. Si vous avez aussi hâte que vous aviez hâte de me connaître, d'ici quelques années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous allez cesser de souffrir. Parce que quand on a hâte de rencontrer quelqu'un et que l'on sait que la personne, elle est à chaque semaine dans un endroit particulier en public, et qu'on ne va pas la rencontrer, et qu'on dit qu'on a hâte, et qu'on prend 6 mois, ça en fait 10 semaines. C'est presque 25 semaines. Ben, on a hâte, mais on a une drôle de hâte. Alors, est-ce que les personnes avaient hâte? Je crois que oui. Est-ce que leur évolution ou leur amélioration est un passe-temps? Pour plusieurs, oui. Pour plusieurs d'entre vous, évoluer, c'est un passe-temps. On évolue quand on a le temps. Le reste du temps, ben, faut bien vivre. Quand même. On peut pas mettre toute son énergie à s'améliorer et à être mieux. Faut quand même vivre. Ça, je comprends. Ça va changer. Parce qu'à un moment donné, vous allez allier votre « faut bien vivre » à « faut bien évoluer ». Les personnes, elles ont hâte et elles ont peur. La première merde au niveau des peurs, c'est l'empêchement de prendre des décisions. On ne prend pas de décision parce qu'on a peur de se tromper. Parce qu'on ne sait pas. Alors l'humain préfère savoir qu'il aurait dû plutôt que savoir qu'il a réussi ou manqué. L'humain préfère se dire, ah ben toi, si j'y aurais été, tu sais, c'est ça, mais il faut croire que je t'ai pas dû. L'humain n'est pas dû à grand-chose, parce que l'humain attend que tout y tombe sa tête. Ça fait près de 300 personnes que je rencontre les mercredis soirs, et sur les 300 personnes, la grande majorité avait hâte de me connaître. La grande majorité savent depuis longtemps que je suis ici, et la grande majorité ne sont pas venus. Je m'en fous qu'il ne soit pas venu me voir. L'idée n'est pas là. Quand quelqu'un me dit, ben moi, je suis venu, je voulais pas vous connaître, ça, ça ne m'intéresse pas partout, mais je suis venu à soir parce que, bon, j'avais rien à faire, ou encore l'organisation, ça m'intéresse. Alors, c'est la première fois que j'entends parler, vous avez un séminaire, et puis je me suis inscrit. Le séminaire est gratuit, ça m'a motivé un peu. Mais je suis venu pour entendre parler d'organisation, et c'est la fois que je n'ai entendu parler, voilà une semaine ou deux, puis là, je me suis inscrit. Mais vous, personnellement, non, c'est impeccable. Mais quand on me dit, ah, moi, ça fait un an que j'entends parler, puis ça fait tellement. Ça fait un an que j'ai le goût, puis que ça me tente. Ouais, ben, si c'est de même, vous évoluez. Si vous avez le goût d'être heureux, comme vous avez le goût de venir, ça va être long en maudit avant que vous soyez heureux. Dans tout ce que vous avez hâte, et dans tout ce qui vous tente, combien de ces choses appliquez-vous dans vos vies de façon à pouvoir les réaliser? Certains vont dire, oui, mais on ne peut pas tout faire. Maudite belle excuse. C'est vrai pour certains. Ou c'est vrai peut-être pour certaines de vos désirs ou de vos trucs que vous avez hâte. Mais c'est pas nécessairement vrai pour tout. La personne, elle va dire, oui, mais j'ai pas tellement le temps. Elle n'a pas le temps pour rien. Et on n'a jamais. C'est pas vrai, on peut pas ne pas avoir de temps pour rien. On peut ne pas avoir de temps pour laver l'auto, pour aller faire l'épicerie. Peut-être pour aller avec son enfant à l'école, peut-être pour aller voir un film, se distraire, ou assister à une conférence, s'instruire. Mais on ne peut pas manquer de temps pour tout. On ne peut pas. Sauf que mettant à la raison générale, j'ai pas le temps, ça camoufle toutes les peurs, toutes les incertitudes, toutes les insécurités, toutes les fausses hâtes, tous les faux désirs. Et puis on se rend plus compte du tout de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas le temps de vouloir. À peine le temps de vouloir, pas le temps de rien faire. Les personnes me disent, oui, mais tu sais, je savais pas si c'était une secte. Et ça, la peur. Comment t'as fait pour savoir? Ben, ça m'a pris 6 mois, je me suis destiné à venir voir. Bon, ben, si tu serais venu après 2 semaines, t'aurais vu aussi. T'aurais pas passé 6 mois à niaiser. Je savais pas comment c'était, je savais pas quel genre de monde qu'il y avait, je savais pas. Et vous allez savoir comment, en entendant les autres. On ne se fie pas, puis on ne doit pas se fier à personne. Évoluer malgré la peur, cela veut dire évoluer en comprenant l'intelligence de l'amélioration, en comprenant l'intelligence de l'évolution. C'est ça que ça veut dire évoluer malgré la peur. Dans un séminaire, on peut travailler sur les peurs. En conférence, on ne peut pas éliminer les peurs chez personne. Certaines personnes sont vibratoirement prêtes peut-être à comprendre des mécanismes. La peur, fondamentalement, non seulement elle est l'explication que l'homme a peur de sa pensée, c'est la pensée qui engendre cette vibration de peur. Lorsque vous avez peur, vous n'avez pas peur. Vous êtes la peur. Et ça, il faut comprendre ça parce qu'automatiquement, vous allez agir en peur. Prenez panique, vous êtes la panique. Étant la panique, vous courez en panique. Votre corps est crispé en panique. Vous êtes de la panique. Alors ne pensez pas qu'à un moment donné, vous êtes hanté par une énergie qui vous rend en panique et qui vient vous manipuler. Et que vous, vous vous débattez là-dedans pour revenir vous-même. Mais c'est faux. Votre pensée, non seulement, et on l'a vu souvent en conférence, non seulement votre pensée n'a aucun pouvoir sur la matière. Non seulement votre pensée n'arrive même pas à faire bouger votre corps. Votre pensée, elle a une fonction évolutive. C'est l'instruction de l'ego lorsque votre mental sera en contact avec l'intelligence instantanée. Autrement dit, lorsque votre pensée sera régie par un ajusteur de pensée, ça va instruire ce qui, égoïquement, pour l'instant, vous fait évoluer et qui, à un moment donné, va vous nuire. Et ça va transmuer cette chose. Ça va la faire évoluer. La pensée, elle ne sert à rien d'autre. L'être humain pense que c'est par la pensée qu'il a inventé une navette spatiale. Il pense, l'être humain, que c'est par la pensée qu'il a découvert que la Terre était ronde. Il pense, l'humain, que c'est par la pensée qu'il a inventé le verre, qu'il a inventé le téléphone. Non. Absolument pas. Parce que si ça serait par la pensée que l'humain inventerait des choses, il les inventerait bonnes et correctes du premier coup. Alors l'humain va dire non, mais on a besoin d'essayer, puis on voit que ça marche pas, puis on recommence, puis on voit que ça marche pas, puis on recommence. Oui, c'est par l'expérimentation, c'est pas par la pensée. Et celui qui a un flash et qui tout d'un coup, il ne pense pas, il a un flash. Lui, il relie au savoir instantané, il ne pense pas. Pas par la pensée. Par la pensée, vous avez peur. Par la pensée, vous ennuyez. Là, oui, là, vous êtes si vous, vous pensez. Quand vous avez un problème, vous y pensez. Quand vous en parlez, vous le réglez. Et la parole, elle peut être régie par l'énergie supramentale, par l'intelligence instantanée. Ce n'est pas en pensant qu'on règle grand-chose. En pensant, on a peur. En pensant, on s'ennuie. En pensant, on est inquiet. Quand vous pensez le soir, vous voulez vous coucher, vous pensez, vous dormez pas. Il y a plein de choses qui passent dans votre tête. Et c'est ça, vous pensez. Et en plus, vous pensez que vous ne voulez pas penser. Et en plus, vous pensez que... Oh, non, mais je peux pas arrêter ça. Oui, c'est ça. L'humain ne pense pas. Il y a une conscience chez vous très limitée qui s'appelle la pensée et qui est une vomissure sans cesse, continuelle, de vos mémoires, de vos expériences et des expériences d'autrui que l'on va chercher, que l'on va rechercher par télépathie, c'est-à-dire par collectivisme au niveau de la psychologie collective, collectivisme astral. Lorsque j'explique à l'humain que sa pensée ne peut pas faire bouger son corps, ici on a déjà fait l'expérience, une expérience bien banale, faites bouger votre bras avec votre pensée, vous ne serez pas capable. Alors on a fait l'expérience, les sceptiques, vous pouvez vous confondre, vous vous concentrez sur votre bras pour qu'il lève, puis vous allez voir, il ne lèvera pas. Et celui qui fait la farce, il dit, ben oui, ben gars, il lève, pas de problème, fais bouger ton oreille. Elle ne bougera pas. Dresse tes cheveux, ils ne se dresseront pas. Alors voilà, la pensée, c'est pas grand-chose. La pensée, elle ne sert à rien pour l'instant, elle va servir. La pensée, l'être humain pense qu'il pense. Je pense donc je suis. Je pense donc j'étais, serait plus juste. Celui qui ne pense pas n'a pas peur, ne s'ennuie pas. Celui qui a la faculté de pouvoir juste logiférer, mettre logique son expérience, il va être capable d'en prendre conscience par sa pensée, parce que la logifération de son expérience, c'est-à-dire que les petites choses qu'il a accumulées, qu'il a vécues, lorsqu'une énergie chez lui qui s'appelle l'intellect, ou qui est le mental naissant, qui n'a rien à voir avec la pensée, va commencer à placer cela dans l'ordre, le mental va être capable d'instruire la pensée. Alors l'être humain pense logiquement, et là il va dire, ça y est, j'ai de trouver. Et à l'instant où l'humain vient de trouver, il est content. Et la pensée étant contente, perturbe le contact avec ce qu'il a trouvé d'intelligent. Et à un moment donné, il a trouvé, mais là, il faut encore qu'il cherche. À un moment donné, on a des humains qui ont une solution claire. Et là, ils essayent de la mettre en mots. Ils n'essayent pas d'y penser parce qu'ils vont la perdre. Ils sont là, puis dérangez-les pas. Ils ne pensent pas. Ils ont un vide, un vacuum de pensée. Mais par contre, ils restent conscients. Et la conscience n'a rien à voir avec la pensée. La pensée, c'est la conscience archétypale, archaïque, ancestrale de l'homme ancien. Mais vous êtes capable, et vous le faites suffisamment souvent, vous êtes capable d'agir sans penser. Et là, vous êtes efficace. Lorsque l'humain pense, qu'est-ce qu'il fait? Il compare. Parce que la pensée, c'est un mécanisme comparatif. L'humain qui n'a pas de mémoire ne pense pas. L'humain qui a des mémoires pense. Alors automatiquement, sa pensée sera régie par son expérience. Vous êtes venu au monde dans une tribu de nudistes et vous avez toujours vécu nu. Alors jamais vous allez penser à la nudité. Jamais vous allez voir des êtres humains nus. Ça n'a pas de sens. La journée que vous allez en voir habillé, là, vous allez pouvoir comparer. Là, vous allez penser que ceux qui sont habillés sont caves. Et si on vous éduque dans un monde habillé, ben là, évidemment, ça peut être l'inverse. Ou bien vous le trouvez cave, ou bien vous regrettez, un ou l'autre. Mais là, on peut comparer. Lorsque l'humain compare, alors automatiquement, il pense à deux mécanismes en même temps. On ne peut pas comparer une chose à elle-même. Je compare le verre d'eau à l'autre verre d'eau et je dis, ils sont pareils. Mais je ne peux pas comparer ce verre à lui. Il est comme lui. Ouais, ben ça vaut pas la peine de le dire, hein? Il n'est pas plus grand qu'il est. Oui, ça, je comprends. Il y a autant d'eau qu'il y en a. Oui, c'est officiel. Puis il y a en plein la forme qu'il y a. Oui. On ne peut pas comparer une chose à elle-même. L'humain ne peut pas penser. Quand vous pensez, vous comparez. Vous additionnez. Vous arrivez à une comparaison, à une solution, à un résultat, à une idée, à une pensée. Et lorsque l'être humain se fait penser, lorsque vous ne pensez plus, et lorsque vous ne voulez plus penser, mais que ça pense pareil, là. Lorsque vous voulez dormir et qu'il y a des choses qui se promènent, lorsque vous voulez vous concentrer sur un problème de finances ou de mathématiques ou d'impôts et puis que vous êtes, on vous charrie, lorsque vous avez de la misère à embarquer dans un film ou à suivre un cours, lorsque vous écoutez plus ce qu'on vous dit à côté de vous, vous ne pensez pas, on vous pense. C'est-à-dire que votre mémoire vient, dans votre conscience, vomir des mécanismes qui peuvent être des mécanismes de coq à l'âne, qui peuvent avoir une forme de suite, mais vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas l'empêcher. Le contrôle de la pensée amène simplement à l'humain le fait que ses mémoires ne viennent plus de son plan émotif, dans sa pensée consciente, mais cette pensée va être générée par son plan intellectuel, son plan mental. Ça, c'est le contrôle de la pensée. Lorsque l'humain compare, il compare une chose à une autre. Et automatiquement, l'humain, comparant une chose à l'autre, décide, observe, et là se dit... automatiquement que lorsque l'humain compare, il y a une onde de forme, il y a une vibration, il y a une énergie entre les deux choses, il y a une énergie qui l'attirera plus que l'autre. Vous comparez votre cour à la cour du voisin, il y aura une des deux cours qui va vous plaire le plus. Vous comparez votre auto à l'auto du voisin, vous comparez votre auto à la publicité, vous comparez votre auto à ce que vous avez eu, il y aura automatiquement l'une des deux choses qui vous plaira le plus. Et ça, c'est la merde. Aujourd'hui, pas dans le passé. Dans le passé, l'humain ne pouvait pas être intelligent, être relié à l'intelligence instantanée. Il ne pouvait qu'être intellectuant, relié à l'intelligence mémorielle. L'intelligence spontanée, l'énergie supramentale, ce qu'on appelait dans l'Antiquité l'Esprit Saint, ne regarde même pas votre cerveau. Tandis que l'intellectuance ne peut pas être exprimée si vous avez un cerveau magané. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne sotte peut devenir un être intelligent. Et elle peut répondre à tout ce que les savants n'arriveront pas à répondre, si elle a un contact supramental. Tandis qu'une personne sotte ne peut pas avoir de contact avec l'intellectuance ou avec sa mémoire, parce que son système neuronique, son cerveau, n'est pas suffisamment évolué ou a été altéré. Et il ne peut pas permettre le contact avec les mémoires. Vous avez tous la même mémoire, mais vous n'avez pas tous la même faculté de vous souvenir. Et c'est ça qui détermine le critère d'intelligence, ce que moi j'appelle l'intellectuance dans nos sociétés, votre faculté de vous souvenir. Entre ces deux choses que je compare, il y en a une des deux qui vibre le plus avec moi, alors je dis « je veux elle », parce que automatiquement il y a de l'amour. Je veux, je suis attiré. Elle me plaît plus qu'elle. Alors je regarde un coucher de soleil pour la première fois et je m'en fous. J'en regarde un deuxième et là je peux comparer, je peux dire « ah, il est plus beau qu'hier, il me plaît ». Et je peux dire « tu es plate à soir ». Automatiquement, l'humain désire. Lorsque l'humain compare et lorsque l'humain pense, sa pensée, elle lui amène automatiquement des désirs. Il n'y a pas un humain sur la planète qui pense et qui ne désire pas. Demandez-moi pas, c'est normal? C'est normal. On n'a pas dit que c'est correct, c'est normal. Fonctionnel, pour l'instant. Lorsque l'humain désire, automatiquement, il désire de deux façons ce qui va générer la peur dans sa pensée. Vous désirez être grand, vous désirez ne pas être petit. Et ces deux désirs antagonistes dans votre pensée naissent en même temps. L'homme ancien n'a pas le choix. Il veut changer de taux parce qu'il en veut un autre, puis parce qu'en même temps, il ne veut plus celle-là. C'est logique, c'est non seulement logique, mais c'est un mécanisme énergétique qui transcende la pensée de l'humain sous deux façons. Il les vit les deux. Alors, automatiquement, il y a une friction entre ces deux désirs antagonistes. Je veux vivre parce que je ne veux pas mourir. Automatiquement, l'humain aura peur de la mort. Si vous voulez vivre parce que vous avez une raison intelligente de vivre, vous n'aurez pas peur de la mort. Vous ne voudrez pas vivre. Vous allez vibrer une raison de vivre. L'humain veut vivre parce qu'il ne veut pas mourir. Et automatiquement, l'humain a peur de la mort. Mais si vous avez une raison intelligente de vivre, prenons, si vous avez une raison intelligente d'évoluer, ou si votre raison intelligente de vivre est de vous améliorer, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas pourquoi. Ça n'empêche pas l'évolution. Lorsque, à la fin de vos jours, vous aurez suffisamment amélioré votre condition, peut-être que là, vous allez avoir la réponse. Tandis que la majorité veut la réponse pour agir. Alors ils sont poussés dans le dos par la souffrance qui les force à avancer trop rapidement. Alors ils s'agrippent à leur tradition et à leur mémoire par la peur. La peur de découvrir du neuf, ce qui les freine. Alors imaginez-vous qu'une évolution où on vous propulse en avant par la souffrance et vous retenez avec vos doigts sur les murs, ça crée d'autres souffrances. Et ce n'est pas fait pour fonctionner rapidement. Lorsque l'humain compare deux choses, automatiquement, il entre en résonance avec l'une des deux, plus qu'avec l'autre. Ce qui, nécessairement, engendre le désir chez lui. Selon la quantité, la qualité de la résonance avec la chose comparée, il aura un petit ou un grand désir. Il voudra ou il voudra un peu. Ouf. Mais l'humain, son problème, c'est que si on lui dit « Tu veux ceci, je t'offre ceci », il va dire « Non, je ne veux pas ceci ». Vous voyez, ce n'est pas un jeu de mots. Il veut ceci et il ne veut pas ceci en même temps. La friction entre ces deux mécanismes dans sa même pensée va créer la peur chez lui. Alors l'humain a peur. C'est fondamental, il pense. Par la pensée, il veut être courageux. Le courageux a toujours peur, mais il arrive à faire en sorte que sa peur s'exprime dans ses cellules, créant des maladies, plutôt qu'elle ne s'exprime dans ses gestes, créant l'inefficacité. Évoluer malgré la peur, cela veut simplement dire que vous ne devez pas chercher chez vous ce qui cause la peur. Vous n'avez pas suffisamment de temps à perdre pour essayer de trouver dans son passé, dans sa tête, dans sa génétique, ce qui cause la peur. L'humain a peur. Moi, je n'ai pas expliqué les mécanismes ancestrales ou ce qui, dans votre passé, dans votre jeunesse, ou dans vos potentielles ou vos hypothétiques vies antérieures, crée la peur chez vous. J'ai expliqué le mécanisme qui, maintenant, crée la peur. Cessez de désirer vivre. Vous n'aurez plus peur de la mort. Sauf que l'humain qui n'a pas de raison intelligente de vivre, lorsqu'il ne désire plus vivre, il dit que la vie n'a plus de valeur. Il se tire une balle dans la tête. Celui qui se suicide, c'est celui qui, en fin de compte, n'est plus assez attiré par la vie. Alors il devient attiré par l'autre. La mort. Ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Le suicide est une aberration. L'humain ne se sort de ses problèmes que vivant, pas mort. Si vous ne savez pas lorsque vous vivez, vous ne savez pas plus lorsque vous êtes mort. Alors on ne se libère pas. On souffre, mais on ne le sait plus. Mais c'est les mêmes mécanismes. Lorsque l'humain a une raison intelligente, et une raison intelligente, cela veut dire une raison qui... exponentiellement, une raison qui mathématiquement lui permet d'atteindre un palier de sa conscience qui sera plus élevé, une condition humaine qui lui permettra d'envisager ce qu'il est ou d'envisager sa vie sur une base nouvelle. Et ça, évoluer au moins pour ça. Évoluez pas si vous avez une raison d'évoluer, maudit. Évoluez parce qu'à un moment donné, peut-être, vous allez en avoir une. Moi, j'évolue pour rejoindre Dieu. Ouais, mais évoluant, tu vas peut-être découvrir que ton Dieu n'existe pas. Fait que tu vas faire quoi? Tu n'évolueras plus. Moi, j'évolue pour mes enfants. Ma vie, c'est mes enfants. Puis quand tes enfants vont décider que leur vie, c'est la leur, puis que c'est pas toi, mais là, tu évolues pour quoi? Regardez ceci. Les religions ont eu leur importance, les sectes ont encore leur importance, les morales, les philosophies, les lois. On ne doit pas évoluer pour ça. On ne doit pas évoluer pour plaire au voisin. Même si ce voisin s'appelle Dieu. On ne doit pas évoluer pour ne pas faire de mal. Vous vivez. C'est une chose acquise, vous vivez. Plantez-vous dedans la vie. Et même si vous ne savez pas pourquoi vous vivez, servez-vous-en au moins pour vous placer sur un point de vue où peut-être vous aurez la chance de savoir pourquoi. Exemple. Vous êtes dans un champ et vous savez pas pourquoi. Il y a une montagne à côté et vous savez pas pourquoi vous êtes dans le champ à côté d'une montagne. Alors moi, je vous dis, montez donc la montagne. Mais pourquoi? Dans le champ, tu verras pas. Monte la montagne. Mais si en haut, ça sert à rien, ça sera comme en bas. Ça servira à rien. Mais si en haut, ça sert à quelque chose, mais quand tu seras en haut, au moins tu seras en haut. Et là, tu verras ton champ, tu verras ce qui entoure et peut-être tu diras, ah, je viens de comprendre. Peut-être d'aller redescendre dans votre champ. Maintenant, vous allez savoir. Ou peut-être vous allez descendre de l'autre bord. Et vous allez simplement dire, tiens, j'étais juste pas né à bonne place. C'était l'autre côté, il fallait que j'aille travailler. Ça se peut. Mais celui qui est là et qui dit, pourquoi? Dans le niveau de conscience où vous êtes actuellement, vous voyez mieux, vous voyez plus. Mais on recherche toujours une carotte pour placer en avant de l'âne. L'âne, c'est l'humain qui évolue. Et la carotte, c'est le leitmotiv, c'est le but. Rejoindre Dieu. Sac, tu sais même pas où ce qu'il est. Il est partout. Bouge plus, t'es rendu. On se place des choses. La vie, c'est utile. Disons dans le langage de l'homme ancien, la vie, c'est important. Jouer au tennis, c'est important. Parce que la vie, elle permet à l'humain de prendre un break. On peut évoluer massivement en jouant au tennis, en jouant avec ses enfants, en se faisant dorer au soleil. Comme on peut périr rapidement en jouant au tennis, en jouant avec ses enfants et en se laissant dorer au soleil. Avez-vous une raison d'être sur le plan planétaire? Avez-vous une raison d'être? Alors moi, je ne vous parlerai pas d'un Dieu. J'ai expérimenté des choses. J'ai expérimenté le savoir. Donc, il y a des choses par lesquelles j'ai instruit mon ego. Je sais. Et le fait que moi je sache ne fait pas que vous sachiez. Mais une chose est évidente. C'est que si vous vous arrangez, évoluer malgré la peur, si vous vous arrangez pour avoir une raison intelligente d'être sa planète, vous êtes dans le chemin. Tous les chemins mènent au chemin qui mène à Rome. Quand ils ont dit tous les chemins menaient à Rome, c'est qu'il y avait un parti pris. Rome, pas en Italie. Tous les chemins mènent au chemin. Ça n'a pas d'importance. La distance, ça dépend de la vitesse avec laquelle vous allez évoluer. Donc, la distance n'a pas plus d'importance. C'est bien du chemin à faire, ça ne change rien. Montréal, à Chicoutimi, on a bien du chemin à faire, mais si on le fait en avion, c'est pas long. Une raison intelligente d'évoluer. Il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 50 000, il n'y en a qu'une. Dans l'étape actuelle de l'évolution de l'humain, il y en a une. Et cette raison intelligente, elle peut sans doute être comprise par vous, mais pas par le reste de l'humanité. Oh, par d'autres personnes de sa planète. Mais pas par l'ensemble. Ils ne sont pas prêts. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont là. Il ne faut pas leur demander pourquoi ils sont là. Survivre, c'est une raison physique. Procréer, c'est une raison vitale. Maintenant, quelle est la raison émotive, astrale, et quelle est la raison mentale de votre évolution? La raison intelligente physique vous permettent de survivre, l'instinct. La raison intelligente, au niveau vital, procréer, étendre et continuer à donner un cadre, la race, pour que vous puissiez continuer à évoluer dedans. Si votre corps physique meurt pour vous abandonner, votre corps vital ne vous abandonne pas. Il continue dans les enfants, donc dans les descendants. Mais quelle fichue raison spirituelle ou astrale ou émotive pouvons-nous amener à l'humain pour que celui-ci se sente bien sur le plan planétaire? Il n'y a-tu ou s'il n'y en a pas? Tout le monde est d'accord. Si on vous pointe un revolver sur le nez ou si vous êtes perdu quelque part, vous allez vouloir survivre. L'instinct de conservation, il existe, mais il peut maintenant être obnubilé par des facéties psychologiques. Mais c'est là. La procréation, c'est là. Ça peut ça aussi maintenant être obnubilé par des facéties psychologiques. OK. Quelles raisons émotives pouvons-nous donner à notre ego pour qu'il se sente bien sur la planète? Alors, on va dire servir. L'humain doit servir. C'est cosmiquement vrai. L'humain doit servir, c'est-à-dire que l'humain doit servir lui, c'est-à-dire que l'humain doit se servir. On est dans un mécanisme, on est dans un cadre écologique, et si moi je vous sers, alors automatiquement, j'aurai contribué à faire d'une société une société évolutive, et automatiquement, je pourrai m'en servir. Ça, c'est l'intelligence du service. On donne pas à tous ceux qui vont tout prendre pour tout gaspiller. On donne à tous ceux qui vont pouvoir servir et on va me donner ce qui me manque. On va me donner ce que je vais pouvoir utiliser et ensemble, on va bâtir quelque chose. On se sert les uns les autres parce que tout revient à celui qui donne lorsque c'est donné dans les mains de celui qui devait recevoir. Qui devait recevoir. Pas celui qui demande. Celui qui devait recevoir. Des fois, il demande. Mais des fois, celui qui demande ne peut pas recevoir. Servir, d'accord. Les religions ont dit cela, n'ont pas tout à fait compris, mais ils l'ont dit. Les écoles traditionnelles le disent. Mais maintenant, chez vous, vous avez une faculté qui s'appelle l'intellect, qui crée l'intellectuance, ce que l'humain appelle l'intelligence, mais c'est autre chose, intelligence. L'intellectuance, et y a-t-il une raison? Parce que votre intellectuance fait que vous allez commencer à mettre des points logiques sur votre servitude, sur votre instinct de survie, sur votre procréation, et là, vous ne voyez plus pourquoi vous êtes planté sur la planète. L'homme des cavernes survivait, c'était suffisant. À un moment donné, on procréait, c'était suffisant. On y allait pour la servitude d'un dieu, c'était suffisant. Vous avez un corps mental maintenant. Et c'est plus suffisant. Il y a une autre raison. Et si l'énergie mentale essaye de s'approprier la raison astrale, émotive, il ne pourra pas en goûter la saveur, alors il va dire non, je refuse. Alors, il recrée des peurs. Les peurs de l'évolution. Peur d'être pris d'une secte. Peur de ne pas comprendre, peur de trop comprendre, peur d'etc., etc. Alors, prenez ceci comme raison, ou prenez-la pas. Mais dites-vous pas, « Ah oui, OK, ce qu'il vient de dire, c'est correct, t'sais, mais de toute façon, moi, je sais que... » Non. Celui qui sait ne souffre plus. Et celui qui sait ne peut pas être amené à un point de souffrance. Celui qui sait ne doute plus. Et celui qui sait ne peut pas être amené à douter. Dernièrement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit qu'elles savaient. Et même dans leur voix, on dénotait une vibration de doute et d'insécurité. Et elles se devaient de savoir, parce que sinon elles auraient peur. Parce qu'elles ne savent pas. Elles ont la foi. Mais elles ne savent pas. Alors, il y a une personne qui dernièrement m'a dit « Oui, oui, oui, je sais. » J'ai dit « Non, je peux te prouver que tu ne sais pas. » Elle avait une vibration où on pouvait peut-être, oui, où je me suis permis d'aller fouiller dedans son savoir. Ça pouvait être constructif pour elle. Et après 15 minutes, elle ne savait plus si elle savait. Elle doutait. Elle voyait bien qu'elle ne savait pas. Qu'elle cristallisait un savoir. Qu'elle s'en inventait un. Alors, celui qui dit « Oui, la raison, c'est bon, c'est pas pire, mais moi, j'ai... » Non, c'est pas de la motivation, c'est pas du positivisme. Ce n'est pas une autre forme de pathologie moins apparente que je vais vous donner. D'ailleurs, je ne veux rien vous donner. Je parle. Vous êtes dans un champ merveilleux. Il y a une montagne à côté, parfait. Pourquoi monter dessus? Je ne savais pas. Aucune raison. Pourquoi ne pas monter dessus? Vous ne savez pas non plus. Aucune raison. En restant en bas, allez-vous savoir ce que vous faites là? Peut-être. En montant en haut, allez-vous savoir ce que vous faites là? Peut-être. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Mais non, comment on peut savoir? Personne ne le dit. Même quand je prie, j'ai pas de réponse. C'est drôle de voir comment que les dieux nous parlent toujours par l'intermédiaire des groupes. Depuis que je suis rentré dans tel secte, ah, là, j'ai la réponse. Mais tout seul dans ton trou, Dieu te trouvait pas? Non, ça veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut simplement dire que dans un groupe, on s'affilie à une conscience collective, à un égrégore collectif, à une invention collective. Parce que si Dieu vient vous chercher lorsque vous avez été baptisé sur une tutelle, bien, ce Dieu-là, un jour, il devra se mettre à genoux devant vous. Une raison intelligente d'évoluer, pas à être mieux, c'est pas intelligent. Parce que vous savez pas dans quel état vous êtes, étant donné que vous comparez toujours ce que vous avez avec ce que vous n'avez pas, vous ne serez jamais mieux. Ben, vous allez être mieux, mais vous allez toujours être en quête de mieux. C'est pas une raison intelligente. Ça peut être un outil, améliorer son sort, oui, mais c'est pas la raison. Si je vous dis qu'une raison intelligente de vouloir y vivre sur le plan planétaire, de vouloir s'améliorer ou de vouloir évoluer, puis c'est comme vous voulez, ça serait vivre pour comprendre pourquoi vous vivez. Ça, c'est intelligent. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment? Non. Continuez de vivre et améliorez votre condition. Améliorez-vous. Autrement dit, continuez à rechercher. C'est ce que l'humain a toujours fait. Sauf que l'humain, maintenant, se dit pourquoi? C'est pour ça qu'il ne cherche plus convenablement. C'est pour ça qu'il a hâte d'aller quelque part, puis un an ou six mois après, il y va. Si on prend quelqu'un, puis qu'on lui met un sac de plastique sur la tête, puis qu'on attache le sac, il va tout faire pour arracher le sac. Il n'a pas hâte de respirer. Il veut respirer. Quand l'humain veut évoluer de la même façon, il n'a pas hâte de plus souffrir. On a hâte, hein? À un moment donné, on s'habitue à souffrance, on s'habitue à tout. On a hâte. On veut que ça change. Mais là, il y a une réunion où on en parle du changement. Ouais, je sais bien m'asseoir, pas mal fatigué, tu sais. Pas le temps d'aller là-bas, puis... Oh, tu sais, il va y en avoir d'autres, j'imagine. Oh, ouais, mais s'il y a un 4 caves qui se présente, il n'y aura pas d'autres. Dans 10 ans ou dans 20 ans, on en fera une réunion pour changer. Toi, tu ne seras pas là. C'est le même qu'on fonctionne. On a hâte. On veut pas. On a hâte. Moi, quand le monde dans les séminaires me dit, ah, moi, j'ai hâte en maudit d'arriver à m'en libérer. Oh, oui, c'est beau, j'y suis. Félicitations. Continue à avoir hâte. Pas lâcher, c'est bon d'avoir hâte. Moi, j'ai hâte d'avoir ma maison. Qu'est-ce que c'est pour acheter une? Ah, ben là, tu sais, là, pour l'instant, je suis pas encore correct. Tu sais, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille ça. Oui, c'est correct. Continue d'avoir hâte. Je peux plus en vendre la hâte. Elle se vend bien, tout le monde achète. Mais qui veut? Ça se vend pas du vouloir. Personne veut. Presque personne veut. Faut que tu sois écœuré d'avoir hâte en maudit pour commencer à vouloir. Mais on attend tellement qu'à un moment donné, on est écœuré d'avoir hâte, mais là, on se dit qu'on peut plus. Il me reste 5-15 ans à vivre. Il me reste 5-20 ans. Il me reste 5, tu sais, je suis rendu à 65 ans. Là, ça vaut plus bien à peine. L'évolution, ça peut se faire en 2 jours. Pour quelqu'un qui veut. Puis qu'il y a les outils. Juste améliorer votre santé, améliorer votre condition sociale, améliorer votre société s'il le faut. Juste, c'est pas beaucoup, améliorer votre condition domestique, à la maison, votre linge. Juste économiser, juste vous organiser, juste améliorer. Au cas qu'en étant mieux, vous auriez une réponse. Si vous n'avez pas de réponse, bien vous êtes mieux. Mais il ne faut pas évoluer pour être mieux. Ça, être mieux, c'est un symptôme secondaire de l'évolution. Alors, lorsqu'on évolue pour les symptômes, On n'a pas de réponse. Oui, mais là, je suis télépathe. Comment ça se fait que t'as pas de réponse? On n'aura pas de réponse. Mais là, je communique avec les morts, puis ce temps-là, me fait fourrer. C'est officiel, ça fourre. Là, maintenant, je suis voyant, je vois l'aura. Quand je me couche, je la vois encore, je peux plus dormir. C'est normal. T'as des symptômes de l'évolution. J'ai passé 60 ans à apprendre à marcher ses os. Merveilleux. Moi, je prends une chaloupe quand je veux traverser. Mes 60 ans, m'allaient vivre d'autres choses. Les symptômes de l'évolution. L'évolution les amène automatiquement. Mais si vous voulez des résultats de suite, c'est les symptômes que vous recherchez. Juste s'améliorer. Et à un moment donné, on essaie un autre point. On peut peut-être voir. On peut peut-être savoir. On va prendre une pause de 20 minutes, une demi-heure. Puis merci beaucoup, Daniel. On se revoit tantôt. Si vous avez des questions, vous les scribouillez.